بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va continuer, chers frères, barakallahu fikoum, la méditation sur ce poème du très savant Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah. Et donc ce poème qui aborde les différentes étapes et les différentes stations que doivent suivre les croyants qui désirent obtenir la satisfaction de leur Seigneur, leur Créateur. As-sayru ila Allah wa ad-dar al-akhirah. Le cheminement vers Allah et la demeure finale. Car nous allons tous aller à la demeure finale. On va tous y aller. Mais est-ce que nous allons faire partie des bienheureux ou des malheureux, hein? On avait abordé la dernière fois le sujet, justement, le fait d'être heureux. Quelles sont les causes qui font que les croyants sont heureux? Les croyants sont heureux par le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé la guidée, leur a accordé cette belle religion qui est l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala les a facilités ici-bas. Il ne nous a pas laissés dans une situation obscure. Est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a laissés dans une situation comme telle où on ne sait pas avancer, on ne sait pas comment obtenir sa satisfaction, quelles sont les causes qui mènent au paradis, quelles sont les causes qui préservent de l'enfer? Ou alors Allah nous a tout éclairci. Et c'est pour ça qu'on doit remercier Allah tabaraka wa ta'ala et qu'on doit être heureux. Et donc nous devons être heureux par le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a permis de nous asseoir et de méditer un peu sur sa parole. Et donc l'auteur qui cite encore les bienheureux, et il nous dit وَهُمُ الَّذِينَ أَكْثَرُوا مِنْ ذِكْرِهِ فِي السِّرِّ وَالْإِعْلَانِ وَالْأَحْيَانِ. Alors, les bienheureux, ce sont ceux qui font beaucoup son rappel, c'est-à-dire le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en public ou de manière isolée et dans les situations, dans toutes les situations de la personne, lorsqu'elle sort de chez elle, lorsqu'elle monte dans sa voiture, lorsqu'elle rentre à la mosquée, etc. La personne fait le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Quelle est l'utilité de faire le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, inshallah ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, premièrement, il nous montre que le rappel d'Allah nous apporte de l'apaisement. Ici, c'est difficile. Quand je dis ici, c'est pas en Martinique. Quand je dis ici, c'est la vie sur terre. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé dans une vie de difficulté. Fi kabed. Une vie de difficulté. Nous avons des épreuves. Nous sommes tous éprouvés. Et nous avons besoin d'une cause, nous avons besoin d'éléments qui vont apaiser notre cœur. Il y a un homme qui est venu ici il y a quelques jours pour se convertir. Il nous a dit qu'il recherche de l'apaisement. Je recherche de l'apaisement. Les gens sont dans des situations difficiles, des problèmes. On veut être apaisé. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Ela bi dhikrillahi tatma'in kuloub ». Certes, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Et c'est pour cela que le très savant Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il dit, le croyant, il est tout le temps heureux. Peu importe ce qui arrive, il peut perdre des proches, il peut avoir un moment de tristesse, il va perdre son argent, mais il reste heureux. Parce qu'il sait que tout ce qui lui arrive vient, fait partie du destin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut son bien. Il sait qu'Allah veut son bien. Et donc il se soumet. Il sait que ce sont des épreuves. Il patiente. Il remercie son Seigneur pour tout le bien qu'il lui accorde. Alors c'est pour lui un bien. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Mais on est à une époque, barakallahu fikoum, mon cher frère, où il y a énormément de tentations, énormément de choses qui nous éloigne du rappel d'Allah. Aujourd'hui, si on annonce aux gens qu'on fait un barbecue à la mosquée à la même heure, la mosquée elle est pleine. La mosquée elle est pleine. On leur dit un cours, un rappel d'Allah. J'ai quelque chose à faire, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Shaitan il joue beaucoup avec nous. On est à une époque où il y a énormément de distractions. Même parfois, tu te retrouves à la mosquée, tu vas te retrouver dans ton téléphone. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de distractions, énormément d'éléments qui nous éloignent du rappel d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, il fait l'éloge de ceux qui restent fermes, l'éloge de ceux qui font son rappel et ne se laissent pas distraire. Il nous dit tabaraka wa ta'ala, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. Des hommes dont il n'y a nul commerce ni vente qui vont les distraire du rappel d'Allah. Subhanallah. Oui, tu fais ton commerce. C'est bien de faire du commerce. Tu achètes ce dont tu as besoin d'acheter. Tu vas vendre ce que tu as besoin de vendre. Alhamdulillah. Ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah a rendu licite la vente et a interdit l'usure. La vente, c'est permis. Alhamdulillah, profite de ce que Allah tabaraka wa ta'ala t'a rendu licite. Mais ne laisse pas ce commerce t'éloigner et te distraire du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car le rappel d'Allah, nous en avons tous besoin, comme on le verra, incha'Allah ta'ala, à travers ce cours. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Ya ayyuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah » وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Subhanallah. Oh vous qui avez cru, ne laissez pas vos biens ainsi que vos enfants vous distraire du rappel d'Allah. Ne laisse pas ton argent, ton travail, ta maison, ce que tu possèdes, tes enfants, même tes enfants que tu aimes et que tu chéris tant, ne les laisse pas te distraire du rappel d'Allah. Et certes, celui qui fait cela, ceux qui font cela, ce sont les perdants. Ce sont les perdants. On le verra, inshallah ta'ala. Pourquoi les perdants? Premièrement, comme je l'ai dit, on est à une époque où il y a énormément de choses qui vont nous distraire du rappel et énormément de choses qui vont nous faire tomber dans le péché. Comment est-ce que tu fais pour te protéger du péché, pour renforcer ta foi? Celui qui boit de l'alcool, il sait que c'est haram. Celui qui va aller en boîte de nuit, il sait que c'est haram. Je parle du musulman, je ne parle pas du chrétien, bien sûr. Et donc le musulman qui va en boîte de nuit, il sait que c'est haram. Il sait qu'il fait quelque chose d'illicite. Il ne va pas rentrer dans la boîte en disant « Bismillahirrahmanirrahim », etc., etc. Non, il sait qu'il est dans un péché. Mais qu'est-ce qui fait que sa foi n'est pas suffisamment forte pour qu'il dise non? Le rappel d'Allah. Le rappel d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » Certes, la prière, elle empêche de tomber dans les turpitudes et dans le mal. Vous allez me dire « Ouais, mais il y a des gens qui prient et c'est eux qui font les plus grands péchés. » Je veux te dire « Oui, oui, c'est vrai que parfois certains peuvent prier et faire de grands péchés. » Mais qu'est-ce qui a fait que sa prière n'a pas eu d'impact sur sa foi, sur son cœur? Qu'est-ce qui a fait que sa prière n'a pas eu d'impact sur lui pour l'éloigner des péchés? Eh bien, c'est le problème qu'on trouve souvent, c'est qu'il faut se débarrasser de cette prière. Allah, Allahu Akbar. Allah, il va pas réciter le Baqara. Allez, il faut qu'il récite vite, l'imam. On finit vite la prière. Ou alors c'est Allahu Akbar. Pendant la prière, je suis en train de penser. Après la prière, je vais faire ça, après si... On est dans la prière, mais on n'est pas dans la prière. On est dans la prière, mais il manque quelque chose à cette prière. Qu'est-ce qu'il manque dans cette prière? Al-dhikr, le rappel d'Allah. Le fait que tu te rappelles d'Allah durant ta prière. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, après nous avoir cité cela, il nous dit « Wa la dhikrullahi akbar » Et certes, le rappel d'Allah est plus grand. Et donc, si tu fais une prière sans rappel d'Allah, comment veux-tu que cette prière t'éloigne des turpitudes, des interdits? Et donc, il est important, barakallahu fikoum, que nous ayons tout le temps avec nous le rappel d'Allah. Pendant la prière, après la prière, avant la prière, quand tu sors de la mosquée, tu te rappelles d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu vois que Shaitan vient à toi avec des insufflations, de mauvaises idées, alors tu te rappelles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Rappelez-vous la parole d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, comme l'a cité Ibn Kathir dans son tafsir. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Je pense ici tout le monde connaît cette sourate. من شر الوسواس الخناس. Contre le mal de el waswas el khannas. C'est qui le waswas el khannas? C'est Shaitan. Pourquoi il est appelé el waswas ou le khannas? C'est quoi le waswas et c'est quoi le khannas? El waswas, celui qui vient insuffler l'être humain, embellir le faux. Parle avec elle, c'est bon, tu vas pas faire zina avec elle. Juste parle un petit peu. T'as rien dit de mal. T'as rien fait de mal. Accompagne-la chez elle. C'est bon, t'as rien fait de mal. Elle a besoin d'aide pour porter ses courses. C'est bon, fais entrer les courses à la maison. C'est bon, t'es déjà arrivé devant la porte. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Et donc, le shaitan, il vient, il embellit le faux. El waswas. El khannas, celui qui s'écarte. Celui qui s'écarte, qui part et qui ne va pas embellir le faux. Comment ça? C'est une contradiction ou quoi? Est-ce qu'il y a une contradiction ici? Celui qui insuffle et celui qui s'écarte et n'insuffle pas. Shaitan, il a les deux noms? Oui, il a les deux noms. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il explique ce verset. Il nous dit, celui qui ne fait pas le rappel d'Allah, alors là, Shaitan, il est avec lui, waswas. Mais celui qui fait le rappel d'Allah, alors là, Shaitan, khannas. Il s'écarte. Et donc, le rappel d'Allah va te permettre de te renforcer, de te protéger face à Shaitan. Et c'est pour ça, barakallahu fikoum les frères, si on médite sur les livres qui ont été écrits concernant l'adhkar, adhkar al-sabah, adhkar al-masa, donc les invocations du soir, du matin, etc., etc. Si on médite sur cela, parfois, souvent, on va trouver des livres qui ont un nom, le même nom. Hisnul Muslim. Vous avez déjà entendu ce nom-là. Hisnul Muslim. Et donc, les livres qu'on utilise pour, ou que les savants vont écrire pour concernant les invocations, ils appellent ça Hisnul Muslim, la protection du musulman. La protection du musulman. Parce que l'adhkar, c'est un moyen essentiel, primordial pour te protéger. Mais souvent, on va se rappeler de ça quand on va voir quelqu'un à côté qui est possédé, quelqu'un qui a un djinn, il fait des cris bizarres. Ou... Là, on va se rappeler, il faut faire l'adhkar. Il faut faire l'adhkar. Mais quand on est en bonne santé, mashallah, on a du mal à se rappeler. Subhanallah. Et donc, ô chers frères, barakallahu fikoum, l'adhkar, le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala, on en a tous besoin. At-Tirmidhi, il cite dans son Jami qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant inna shara'i al-islam kathurat alayya fa akhbirni bi shay'in atashabbathu bihi. Certes, les règles de l'islam, les législations de l'islam, les lois de l'islam sont beaucoup pour moi. Une personne qui vient de se convertir, tu lui apprends la base. Tu ne vas pas venir à ça, ça et ça encore. Ah oui, il faut ça aussi. Attention, quand tu fais le commerce, il y a ça. Non, tu commences petit à petit avec la base. Et il grandit petit à petit, mashallah. Hein? Et donc cet homme est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui disant, certes, il y a beaucoup de choses. Alors informe-moi de quelque chose, une chose à laquelle je peux m'accrocher. Alors là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit tout simplement, La yazel ou lisanuka ratban min zikrillah. Fais en sorte que ta langue ne cesse d'être occupée par le rappel d'Allah. Voilà le conseil que j'ai à te donner. Tu veux avancer petit à petit, il y a beaucoup de choses, c'est difficile. Fais en sorte que ta langue ne cesse d'être occupée par le rappel d'Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala va te faciliter. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, mon cher frère, qu'on prenne ce sujet, le sujet du dhikr, le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est très important. Al-Bukhari et Muslim, ils citent dans leur sahih, et cette narration que je vais vous lire, c'est la narration de Muslim. Un hadith très important. Très important. Il est un peu long, mais il est important. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna lillahi ta'ala malaikatan Sayyaratan fumulan. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala a des anges. Des anges qui se déplacent. Sayyara. Ils se déplacent. Ils voguent. Ils se déplacent, les anges. Ils cherchent. Ce sont d'autres anges que ceux qui sont tout le temps avec nous. Yadba'ouna majalis al-dhikr. Ils suivent les assises de science, c'est-à-dire les assises du rappel. Ils recherchent les assises du rappel. Les assises du rappel, les assises de science, les cours, les adhkar, etc. Toutes les assises où on se rappelle d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Fa'idha wajadu majlisan fihi dhikrun, qa'adu ma'ahum, wa haffa ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim. Alors, lorsqu'ils trouvent une assise dans laquelle il y a un rappel, ils s'assiedent avec eux. Wa alaykoum assalam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Ils s'assiedent avec eux et ils se couvrent mutuellement avec leurs ailes. Hatta yamla'u ma baynahum wa ma bayna as-sama'i ad-dunya. Jusqu'à ce qu'ils remplissent ce qu'il y a entre eux et le ciel le plus bas. فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. Et lorsque les gens de cette assise se dispersent, après que l'assise soit terminée, alors qu'est-ce qui se passe? Les anges, ils montent vers le ciel. صعدوا إلى السماء. Qu'est-ce qui se passe? فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم. Alors, après qu'ils soient montés au ciel, les anges, Allah Azza wa Jal, il leur demande, alors qu'il sait très bien, d'où venez-vous? Ça aussi, les frères, ce hadith-là, Al-Dhahabi, il l'a cité dans son livre, Al-Ulu, où il aborde le sujet très important, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus de ses créatures. Hein? On constate dans ce hadith que les gens y sont montés. C'est ce qu'on appelle Al-Uruj. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala qui est au-dessus des cieux. Et Allah qui les interroge, d'où venez-vous? Alors, ils répondent les anges en disant, Jidna min indi ibadin lak fil ard yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka. Nous venons de chez certains de ses serviteurs sur terre. Yusabbihunaka, ils prennent ta pureté, ta grandeur, le fait que donc yuhallilunak, c'est quoi tahlil? Hein? Ouais. Yuhallilunak. Barakallahu fik. La ilaha illallah. Et donc ils prennent ton unicité. Yahmadunak, ils te louent. Wa yas'alunak, et ils te demandent. Qala wa madha yas'aluni? Alors Allah il leur dit aux anges, et qu'est-ce qu'ils me demandent? Qalu yas'alunaka jannatak. Ils disent, ils te demandent ton paradis. Qala wa hal ra'awha. Est-ce qu'ils m'ont vu? Non. Alors comment est-ce que ça serait s'ils m'avaient vu? Ensuite Allah tabarak, ensuite ils disent wa yastajirunaka, et ils implorent ta protection. Min madha? Ils implorent ma protection contre quoi? Min narik, contre ton feu. Alors, il dit tabaraka wa ta'ala wa hal ra'aw nari. Est-ce qu'ils ont vu mon feu? Là, non, ils ne l'ont pas vu. Fa kayfa law ra'awha? Comment ça serait s'ils l'avaient vu, mon feu? Et donc ces gens-là font le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont peur de son châtiment alors qu'ils n'ont pas encore vu son feu. Ensuite, les anges continuent et ils disent wa yastaghfirunak, et ils implorent ton pardon. فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا. Alors Allah tabaraka wa ta'ala il dira, certes je leur ai pardonné et je leur ai donné ce qu'ils ont demandé, le paradis. Il a donné ça à qui? Aux gens qui étaient dans l'assise. Je leur ai donné ce qu'ils ont demandé, le paradis. Et donc les assises de dhikr font partie des grandes causes qui permettent aux gens d'aller au paradis. Et donc lorsqu'on fait une annonce et qu'on dit aux gens il y a cours à telle et telle heure, il faut que les gens comprennent, ça c'est parce qu'on veut le paradis. Hein? Parce que les gens ils comprennent lorsqu'on leur parle de barbecue et tout, mais il faut leur rappeler que les causes de ces assises, c'est parce qu'on veut aller au paradis. Mais c'est pas tout. Ça ne s'arrête pas là. Ce hadith, il est grandiose, les frères. Ensuite, il continue. Abu Huraira a nous raconté. Fayakulun, Rab. Alors, les anges, ils disent, ô Seigneur, Fihim Fulen, Abdun Khatta. Il y a parmi eux un tel. C'est un serviteur Khatta. Il fait beaucoup de péchés. Il est dans l'assise. Il est avec eux. Il fait beaucoup de péchés. Dans une autre narration, la narration d'Al-Bukhari, c'est marqué, il est avec eux, mais il est venu l'Ihaja, il est venu pour quelque chose. Ce n'est pas pour écouter l'assise. À la base, il ne voulait pas écouter l'assise. Il est venu, il a trouvé des gens, il s'est posé. Khalas. Peut-être qu'il attend quelqu'un, peut-être que... Mais ce n'est pas pour l'assise qu'il est venu. Et ici, ils disent, « Innama marra fajala sama'ahum. » Certes, il est passé, alors il s'est assis avec eux. Fayakul. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, « Lahu ghafartu. » Je lui ai pardonné. « Wa humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. » Il dit, ces gens-là, les gens de cette assise, ceux qui s'assied avec eux ne sont pas malheureux. Ceux qui vont s'asseoir avec eux ne seront pas malheureux. Même s'il est venu, peut-être qu'il attend quelque chose, il veut faire du tijara, il veut faire du commerce. Il se dit, là, il y a une assise, il y a du monde. Après l'assise, je sors de la mosquée, je vends mes affaires. Alhamdoulilah, il a profité. Subhanallah. Et donc, les frères, il faut qu'on se rende compte de la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et des bienfaits de ses assises. Les assises du rappel, afin qu'on puisse chercher à apprendre les causes nous permettant de nous rapprocher de notre Seigneur. Et c'est pour cela que nous devons faire beaucoup d'assises de rappel. Là, ce qu'on fait actuellement, ce n'est pas assez. Alhamdoulilah, c'est bien. Mais ce n'est pas assez. Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il nous dit, « Ya ayyuhalladhina amanu, uzkurullaha dhikran kithira. » Oh, vous qui avez cru, faites beaucoup le rappel d'Allah. On en a besoin, il y a beaucoup d'ambiguïté. Tu sors de la mosquée, c'est des fitanes dans tous les sens. On a besoin de beaucoup de rappels d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Aïcha radhiallahu anha dans Sahih Muslim, elle nous dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل الأحيان أو على كل أحيانه. Le prophète صلى الله عليه وسلم faisait le rappel d'Allah dans toutes ces situations. Et justement, d'ailleurs, les savants ont utilisé ce hadith de Aïcha radhiallahu anha pour dire que le rappel d'Allah, tu peux le faire même quand tu es en état d'impureté majeure. Même quand tu es en état d'impureté majeure, tu peux invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, faire son rappel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le rappel d'Allah dans toutes ses situations. Quand il rentre à la maison, quand il sort de la maison, quand il monte sur sa monture, etc., etc., etc. Et donc le rappel d'Allah, il est très, très important. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit « Hajatul qalbi ila dhikrillah » Donc le fait que le cœur ait besoin du rappel d'Allah est similaire, est semblable au fait que les poissons aient besoin de l'eau. Le poisson, pour vivre, il ne peut pas se passer de l'eau. Il a besoin de l'eau. Les frères, si vous voulez que votre cœur soit vivant, si vous voulez être vivant, alors ne délaissez pas le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car celui qui n'a pas le rappel d'Allah, il est mort, même s'il marche. S'il marche, il bouge, mais il est mort. Et donc il est important qu'on ait de la vie dans ce cœur. Et qu'on ait de la vie dans la mosquée. Qu'est-ce qui ramène la vie dans la mosquée? Est-ce que ce sont les décorations qu'on voit autour de nous? Ce n'est pas ça qui ramène la vie dans la mosquée. Ce qui fait vivre la mosquée, c'est le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc il est important qu'on ait cela, ce rappel tout le temps. Aujourd'hui, il y a certains problèmes. Bon, on va écouter un petit peu. Mais il y a certains problèmes que je voulais aborder avec vous, les frères. Est-ce que le fait que c'est bien de faire des assises de rappel, est-ce que ça veut dire qu'on doit s'asseoir chez n'importe qui lorsqu'il y a une assise de rappel? Ou il faut faire attention, hein? Yani, ça veut dire, s'il y a un Daïchi qui vient ici, à Molenbeek, ils connaissent bien, hein, et qui appelle les gens à aller en Syrie, est-ce qu'on va s'asseoir? On ne va pas s'asseoir. On ne va pas s'asseoir. Et donc, on fait attention. On est d'accord. On va même le faire sortir de la mosquée. Ça, rassurez-moi, les frères, on le fait sortir de la mosquée quand même. On est bien gentil, mais à minimum. L'imam Muslim, rahimahullah, dans son livre Sahih, au début du livre, il aborde un chapitre très important. On a dans notre religion, chers frères, quelque chose d'énorme. Et souvent, je le cite, les chrétiens, ils ont un livre, c'est la Bible. Leur livre, ils ne savent pas qui l'a écrit. Les prêtres qui font des études, qui vont étudier l'histoire de la Bible, ne savent pas qui a écrit la Bible. Ils savent que, par exemple, l'évangile de Matthieu, le parchemin qu'on a qui est en telle langue, la langue grecque, qui n'était pas la langue de Matthieu, c'est pas marqué que c'est Matthieu qui a écrit cet évangile. Il n'y a aucune preuve qui montre que c'est lui qui a écrit l'évangile de Matthieu. Aucune. Même dans l'évangile du début à la fin, il est à la troisième personne, même quand il parle de lui. Il a fait ci, et c'est là que Matthieu est allé. Et donc Matthieu qui parle de lui en disant, c'est là que Matthieu est allé, etc., etc. Et donc ça, c'est l'évangile de Matthieu. Et on trouve énormément de problèmes comme cela. Pourquoi ? Parce que ils sont arrivés dans une époque où tout le monde voulait appeler les autres à leur pratique. Il faut que tu pratiques comme moi. Alors comment ils faisaient ? Ils écrivaient un évangile. Ils écrivaient un texte religieux. Allez hop, tenez, ça c'est la parole de tel apôtre, ça c'est la parole d'un tel, ça c'est la parole d'un tel. Ils ont essayé de distinguer le vrai du faux, mais c'était saab, c'était vraiment difficile. Ils ont pris 300 ans, pendant 300 ans à se battre entre eux, pour réussir à se mettre d'accord. Au final, ils ne se sont pas mis d'accord, mais bon, pour nous sortir la Bible. Dans notre religion, alhamdoulilah, subhanallah, Allah il a préservé cette religion, il a préservé son livre, il a préservé la sunna du prophète. Avec quoi il l'a préservé ? Avec el-isned, la chaîne de transmission. Cette chaîne de transmission que personne n'étudie, ou du moins que très peu étudie, elle est très importante. Celle qui nous permet de distinguer la différence entre un hadith qui est faible et un hadith qui est authentique. C'est comme ça que notre religion a été sauvée. Et l'imam Muslim, il nous montre qu'il faut faire attention à ça. Attention de qui on prend notre religion. Attention à quelle assise de science, quelle assise de rappel on doit s'asseoir. Alors, il a cité beaucoup de hadiths sur ce sujet, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. Et donc, l'imam Muslim qui nous dit, donc, selon Mujahid, qui dit « J'ai Abu Shayrun al-Adawi » Il a Ibn Abbas. Bushayr al-Adawi, il est venu voir Ibn Abbas. Faja'ala yuhaddithu wa yaqul. Alors il a commencé à parler, à réciter des hadiths et il disait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il citait des hadiths. Faja'ala Ibn Abbas la yastami' ilayhi wa la yanzuru ilayhi. Alors Ibn Abbas ne l'écoutait pas. Et il ne le regardait pas. Ibn Abbas, le compagnon du messager d'Allah. On lui parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'écoute pas, il ne regarde même pas. Alors la Bushayr, il lui a dit, « Ya Ibn Abbas, oh Ibn Abbas, uhadithuka an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa la tasma. Je te parle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. » Il répond Ibn Abbas, radiallahu anhuma, en disant, « Kunna marratan. » إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. Il a dit Ibn Abbas رضي الله عنهما, il fut un temps, lorsqu'une personne disait قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors là, on se tournait vers lui et on écoutait ce qu'il disait. Mais lorsque les gens ont commencé à rakib as-sa'ba wa ad-dhulul, ça veut dire quoi ça? Les arabophones. Rakib as-sa'ba wa ad-dhulul, ce sont des chameaux. As-sa'b, le chameau que tu vas pas réussir à tu vas avoir énormément de difficultés pour monter dessus. Ad-dhulul, c'est le chameau qui se laisse diriger, etc. Et donc c'est une expression chez les Arabes pour dire lorsque les gens ont commencé à faire n'importe quoi. Lorsque les gens ont commencé à faire n'importe quoi, nous n'avons pris des gens que de ceux que nous connaissons. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais, mais ça veut dire que là, c'est un sujet, c'est de la religion. C'est de la religion. De la même façon que j'expliquais une fois à mon frère Mustapha, je lui disais, moi, je ne suis pas kiné. Vous imaginez, moi, maintenant, je me mets sur YouTube et je fais des formations kinés sur YouTube. Vous allez me dire, Abdelkarim, arrête de te ridiculiser. Ouais, non, mais Mustapha, il m'a appris 2-3 trucs à la mosquée. C'est bon, laissez-moi enseigner aux gens. Abdelkarim, chacun son domaine. Alors, pourquoi est-ce que dans la religion, tout le monde parle? Et tout le monde veut donner des cours. De la même façon qu'on fait attention pour le métier de kiné, de comptable, de commerçant, eh bien, le poste, le fait de donner des cours, c'est encore plus important, parce que là, c'est paradis ou enfer. C'est pas que tu vas me faire couler mon commerce. Tu vas pas donner ton commerce à n'importe qui. Tu vas pas le donner à n'importe qui. Ta religion ne la donne pas à n'importe qui, non. Personne ici, on est tous ici sur cette île. On doit prendre l'avion si on veut aller en métropole, ça. Si un jour on nous dit, oui, donc il y a un billet pas cher. Un billet pas cher pour prendre l'avion, mais le pilote, il n'a pas eu de formation, c'est pas grave. Il n'a pas eu de formation, mais il a bien appris sur YouTube et tout, il est motivé. Je vous mets au défi de monter dans l'avion. Personne ne va monter. Taïb, pourquoi notre religion, c'est tout le monde, n'importe qui parle, on va écouter. L'imam muslim, rahimahullah, il nous met en garde contre ça. Il nous cite une parole de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, très connu parmi les tabi'in. Il nous parle d'un narrateur de hadith qui est véridique. C'est quelqu'un qui est véridique, il est connu pour être véridique. Il nous dit, Baqiyatu sadoukun. Sadoukun lisan. Lakinahu ya'khudhu mimman aqbala wa adbar. Il est véridique, mais il prend de ceux qui viennent et qui partent, il prend tout le monde. Et donc il le blâme par rapport à ça. Le fait qu'il prend sa science, sa religion de tout le monde. Ibn al-Mubarak qui dit aussi El isnadu min ad-din. La chaîne de transmission fait partie de la religion. Et s'il n'y avait pas de chaîne de transmission, tout le monde aurait pu dire ce qu'il veut. Ça veut dire qu'on fait attention. On fait attention, est-ce que la personne elle est fiable? Est-ce que la personne elle a appris ou pas? C'est un sujet de paradis ou d'enfer? De la même façon qu'on ne va pas monter dans l'avion où on sait que le pilote n'a pas appris, pourquoi pour la religion essayer ila Allah, le cheminement vers Allah, pourquoi on va prendre n'importe qui? Le cheminement vers Paris, on fait attention, on ne prend pas n'importe qui, mais le cheminement vers Allah, tout le monde, allez, on y va. Alhamdulillah. Non, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Encore deux textes, Inch'Allah ta'ala, qu'a cité l'imam muslim. Abu Zinad Dhakwan, très connu parmi les savants du hadith. Il dit, Adraktu bil Medinati mi'atan. Il dit, j'ai rencontré 100 personnes à Médine. 100 personnes. Kulluhum ma'moun. Ce sont tous des gens dignes de confiance. Ils sont bons, ce n'est pas des mauvaises personnes. Ils sont bien, ce n'est pas des mauvaises personnes. Ils sont dignes de confiance. Ma yu'khadu anhum al hadith. Mais pourtant, on ne prend pas le hadith d'eux. Ils sont bien, mais on ne prend pas le hadith d'eux. Yukalu laysa min ahli. Il est dit, ils ne font pas partie des gens du hadith. C'est-à-dire que ce n'est pas leur domaine. Ce n'est pas leur domaine. De la même façon que si tu as un problème, tu as besoin d'une opération, tu ne vas pas dire, Abdul Karim, il est gentil. Abdul Karim, s'il te plaît, vas-y, viens, fais-moi mon opération, s'il te plaît. Une opération de quoi? Au cœur? Vas-y, bismillah, ramène-moi le couteau, la fourchette, je ne sais pas comment on appelle les autres trucs. Ce que tu veux, et viens, on fait l'opération, je suis gentil. Mais non, ça ne suffit pas d'être gentil. Ça ne suffit pas d'être gentil. La question que je me pose et que je pose à mes frères, pourquoi, concernant tous les métiers du monde, on fait attention à ce que la personne ait été formée, que la personne ait des connaissances, et pourquoi Fiddin, on ne fait pas attention? Pourquoi? Le sujet lié au paradis et à l'enfer, pourquoi on ne fait pas attention? On ne se demande pas pourquoi il y en a qui sont partis en Syrie, comment ça se fait qu'un jeune comme ça, qui était avec sa mère, que sa mère elle s'est occupée de lui, elle était là, et qu'un jour il vient, il tue sa mère. Qu'est-ce qui a fait ça? À force d'écouter n'importe qui. Et donc pour finir ce texte que cite l'imam muslim, rahimahullah, d'Ibn Sirin, qui fait aussi partie des grands savants du hadith. Ibn Sirin qui nous dit, rahimahullah, « Inna hadha al-ilma dinun. » Certes, cette science, la science religieuse, c'est une religion. Ça veut dire que c'est un sujet de paradis ou enfer. « Fal yanzur ahadukum فانظروا عمن تأخذون دينكم. Alors faites attention de qui vous prenez votre religion. Et donc oui, pour les assises de rappel, mais attention, il faut faire attention. De la même façon que pour avoir une ordonnance, je vais aller chez un docteur. Je ne vais pas aller chez un garagiste. On va arrêter là, inshallah ta'ala, et on continue. Donc, la semaine prochaine, وفق الله الجميع, inshallah ta'ala, وفق الله الجميع, لما يحبه وارضاه, وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, جزاكم الله خيرا.